Donc, je ne vais pas vous faire un listing de tout le patrimoine militaire hérité de cette grande guerre, qui est aujourd'hui présent en forêt. Simplement, un rappel de ce qui s'est passé au cours du siècle écoulé et comment nous gérons aujourd'hui tous ces vestiges pour pouvoir au mieux les restituer aux générations futures. Donc, il faut savoir que dès le lendemain du conflit, il a été confié à l'administration forestière des eaux et forêts l'évaluation des dégâts dus justement à ces 4 ans de guerre. Vous avez ici une carte du saillant de Saint-Mihiel. Donc, en bleu, la première ligne allemande, en rouge, la première ligne française, Saint-Mihiel se situant ici, et donc le fameux front qui passe par le bois d'Ailly, bois du Juré, et qui remonte vers Pont-à-Mousson. En rouge, vous voyez les forêts rouge-orangées, les rouges-rosées, les forêts qui sont endommagées de 66 à 100%. En jaune, celles de 33 à 66% et en bleu, celles de 0 à 33%. Donc vous pouvez constater que sur la ligne de front et ses arrières immédiats, les dégâts occasionnés au peuplement forestier sont très importants. Je vais vous montrer au retour d'une petite étude qui a été faite en 2001, comment les forestiers ont par la suite donc hérité de ce patrimoine et nous l'ont transmis en reconstituant là, en créant une forêt, la forêt domaniale des Hauts-de-Mâts qui se trouve sur le saillant de Saint-Pinel dans le secteur de Fliret. Donc là, on est purement sur une forêt zone rouge. C'était, avant la guerre, des terres essentiellement agricoles. Tout ce que vous voyez en couleur de ce type-là, ce sont des champs. Le seul bout de forêt, il est présent ici, le bois carré, et puis des petites bandes. Tout ça, c'était de la propriété privée. Durant 4 ans, tranchées allemandes, tranchées françaises se font face et les terrains sont complètement déstructuré, bouleversé. De ce fait, s'applique sur ce secteur la création d'une forêt dite zone rouge. Je redis la définition d'une zone rouge. Les terres dont le coût de remise en état est supérieur à la valeur du sol 1914, simplement une valeur économique. Donc, on donne ces surfaces, l'État les rachète en 1923 et les donne à l'administration des eaux et forêts, en charge à elle de constituer une forêt de part et d'autre. Alors, à partir de 1927, commencent les premières plantations. Alors, dans un premier temps, on a essayé parallèlement des feuillus et du résineux. Donc, dans les feuillus, de l'érable, notamment, et puis du frêne, du peuplier, de l'aulne. Dans les résineux, pin, épicéa, douglas, mélèze. On attaque les plantations d'ouest en est, au fur et à mesure, entre 1927 et 1934. Très rapidement, on s'aperçoit qu'on a un échec quasi complet sur le feuillu. Oui, on est sur d'anciennes terres agricoles. Il n'y a pas d'ambiance forestière. C'est pour ça qu'on va monter en puissance sur le résineux, qui s'adapte un peu mieux. Mais là, il y a très rapidement aussi des problèmes climatiques, notamment une petite sécheresse en 1934, qui amène un échec des plantations précédentes. Donc, à partir de 1938, on commence à replanter également d'autres secteurs. Alors là, plus que sur 2 essences, pin et picéa. Essences les mieux adaptées, surtout qu'on est sur sol calcaire. Et puis, arrive la Seconde Guerre, ce qui fait que ça met un terme à toute cette reconstitution. Bon, entre-temps, vous savez bien que la nature n'aime pas le vide. Ça s'enfriche naturellement et il y a un certain nombre d'essences qui commencent à apparaître. Il faut attendre le biais du Fonds forestier national en 1947 pour reprendre une politique de plantation en vue, là encore, de faire du résineux. Pourquoi ? Pour alimenter, dans 30, 40 ans après, les mines de Lorraine, qui n'existeront plus. Donc, on reprend nos plantations résineuses. Et ça va durer jusqu'en 1957. En 1957, on arrête tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est partie dans la construction de dépôts de l'OTAN. Il n'y a plus de sylviculteurs sur le secteur. Mais il y a, vous faites la grimace, oui, il y a des dépôts de l'OTAN qui vont s'implanter, réservoirs d'essence, plusieurs sur le territoire. Et donc, une partie de la forêt initiale a disparu à ce moment-là. Et donc, les forestiers, vu ce qu'il faut encore engager pour finir cette création forestière, décide d'arrêter et de voir l'espace évoluer et d'accompagner l'espace en accompagnement naturel. Donc à partir de 1975, là, on va refaire un petit peu de plantation et là, en feuillu, et manque de bol, va arriver la tempête de 1999 qui, pour les peuplements résineux qui étaient là en âge d'être exploités, va tout mettre par terre. Voilà. À peu près 15 ans de mobilisation forestière qui va se retrouver au sol en une heure et demie de coup de vent pour ce secteur. Donc, vous avez là en 1999, donc le peuplement tel qu'il se composait. Vous voyez essentiellement pin noir d'Autriche. Donc toutes ces zones vont être mises à nu et mises à terre à la tempête de 1999. Et puis, on avait commencé à faire des mélanges peuplement feuillu, et là, ça va un petit peu mieux résister. Donc, passé la tempête, 2002, on arrive sur des sols qui ont été bouleversés, là, non pas par l'activité guerrière, simplement par l'activité sylvicole, dont des terrains qui sont de plus en plus remis à nu, je dirais, par l'activité sylvicole. On exploite les bois du fait que depuis les années 70, milieu des années 70, on a accru la mécanisation, donc ces terrains vont être très fortement perturbés, puisqu'on fait passer des bulldozers pour mettre à plat et pour planter. Donc, une perte du patrimoine présent dans ces secteurs-là. Ce qui va mettre aussi, à l'époque, l'ONF sous le feu des projecteurs, en disant, attention, vous ne prenez pas soin d'un patrimoine dont vous avez hérité, avec forcément, par moment, des dégâts collatéraux sur les vestiges qui sont irrémédiables dans un certain nombre de cas. Pour autant, l'ONF, je le rappelle, dans le cadre de la loi d'orientation forestière de 2001, a trois objectifs. Un rôle économique avec la production de bois, un rôle social avec l'accueil du public et aussi un rôle environnemental où on doit protéger les milieux, dont les vestiges archéologiques. Et je rappelle que les vestiges de la Grande Guerre sont aujourd'hui, font partie des vestiges archéologiques. Alors, est-ce qu'on peut concilier les trois ? Oui, on peut concilier les trois avec un partenariat assez fort à chercher pour prendre en compte les éléments passés et les intégrer à notre gestion. Donc, ce partenariat, là, je mets en avant des forêts du Normesien, la Haute-Chevauchée et la Chalotte, sur lesquelles il y a eu un très important combat en 1915, avec de la guerre de mines dont on voit les entonnoirs, les lignes allemandes, les lignes françaises de part et d'autre, que l'on retrouve sur plan, et aujourd'hui, des réseaux de tranchées, des zones d'entonnoir qui sont un peu présentes partout dans les forêts. Donc pour nous, il faut qu'on lie des partenariats avec des personnes ressources, des associations, des services de l'État, pour avoir aussi la connaissance de cette histoire, de ces vestiges, des documents afférents et de personnes ressources amenées à nous aider sur la préservation de ces vestiges-là, en recensant déjà le patrimoine existant. À partir de ce recensement, autour de la table, on va pouvoir analyser l'importance, je dirais, de ces vestiges. Quelles zones on considère comme étant avec une prise en compte forte, tout simplement du fait des vestiges, de leur densité, de leur qualité, par rapport à des zones où on va considérer qu'on est en zones faibles. Bah très honnêtement, ce n'est pas pour le plaisir de détruire, mais il y a des zones, comme je l'ai dit, du fait des 100 ans passés de gestion forestière, qui ont été fortement bouleversées, où il y a moins de choses à préserver, où les choses à préserver peuvent être moins sensibles. Tout cela va donc nous amener à définir des règles de gestion adaptées. Alors, des règles de simple. Hein. Alors, préservation de la lisibilité globale du tracé des tranchées des boyaux. Là, vous comprendrez bien que, vu l'organisation des systèmes de défense, il ne nous est pas possible à ce jour, avec nos techniques d'exploitation, de pouvoir tout préserver. Donc, comment on fait ? Ça, c'est dans les problématiques qui sont notre quotidien. Après, conservation de vestiges particuliers, les arbres reliques, les entrées des vestiges souterrains, hein, puisque là, ça donne accès à un patrimoine peu connu, méconnu ou totalement inconnu du fait de l'histoire géologique du coin, des vestiges qui se sont affaissés, qui se rouvrent en fonction du climat, forte pluie, chaleur, etc. Donc ce sont des vestiges évolutifs, et qui abritent aussi des chiroptères. Et puis des vestiges ponctuels, tels que des monuments, ou encore des sites spécifiques, tels que les villages détruits. Alors je parlais tout de suite des cloisonnements. Voilà un exemple qu'on peut proposer. Donc, on a une tranchée principale avec des boyaux d'accès. Traditionnellement, on aurait créé des cloisonnements tous les 20 mètres, 24 mètres, en fonction du peuplement forestier qui est dessus. Là, on va créer notre réseau de cloisonnements qu'on va amener sur un collecteur permettant de préserver la tranchée principale. Un autre collecteur de l'autre côté qui poursuivra les cloisonnements, et on a une zone de traversée, donc sur 4 mètres, donc ça endommage partiellement le vestige, mais tout en conservant sa lisibilité. Alors, je disais tout à l'heure, prendre en compte le milieu souterrain. Effectivement, vu du dessus, on a des entrées de galeries. On peut dire ces entrées-là, bon, c'est pas important. Sauf que il y a toute une vie animale dedans, et notamment des chiroptères, dont certaines espèces protégées au niveau national et européen, et des espèces en voie de disparition. De ce fait, on s'allie là encore avec des associations, notamment sur le secteur de l'Argonne, l'association des Amis de Vaucois, qui font des relevés, proposent des sites assez sensibles, et on met en œuvre donc derrière des systèmes de bornage pour lesquels nous, on sait qu'on ne va pas aller au-delà en termes de pénétration d'engins forestiers. Et si on a des travaux d'abattage à faire, eh ben, on va les faire, on va diriger les arbres vers l'extérieur, mais cette zone-là, il ne doit pas y avoir de pénétration d'engins, de manière à ne pas avoir une atteinte ni sur les entrées, ni des fois sur les souterrains qui peuvent abriter encore des informations et du matériel archéologique. Donc là, réseau des fils de communication à l'intérieur d'un abri caverne et ici, donc pompe pour renvoyer de l'air dans les tuyaux, voilà, avec des bobines électriques à proximité. Alors, je parlais de l'apport du milieu associatif, mais il y a également l'apport des nouvelles techniques. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du LIDAR. Donc, le LIDAR, c'est un survol aérien qui se fait à base d'un avion ou d'un hélicoptère et qui envoie donc, du laser au sol, des points laser. Là, pour avoir un bon retour en termes d'archéologie, il faut à peu près 8 à 10 points au mètre carré. Et ces points donc, sont après analysés et permettent de mettre le sol à nu et de voir toute incidence qu'il y a au sol à partir de 10 cm, en creux, quel que soit le relief. Donc ici, vous avez une parcelle forestière, on voit les cloisonnements d'exploitation. Vous allez retrouver cette même parcelle, donc en image LIDAR, avec la tranchée qui est bien visible là. Vous voyez ces cloisonnements tels qu'ils ont été faits. Là, on a une superposition des deux techniques, photo aérienne et tranchée. On voit bien que nos cloisonnements qu'on voit, qu'on devine ici, se reportent sur le terrain. Voilà. Et la tranchée, maintenant, effectivement, quand on le sait, on la devine. Elle est ici. Mais sur la première photo, vous ne l'auriez pas vue. Situation encore un peu plus complexe, même photo, une photo d'un même secteur, toujours secteur domanial de Verdun. Voici l'état actuel du sol. Pour autant, il y a un certain nombre de cloisonnements qui passent, donc qui coupent le réseau de tranchées, cloisonnement ancien, et vous pouvez voir que malgré qu'on ait cloisonné ces parcelles-là tous les 25 mètres, il y reste quand même une certaine densité de vestiges et les lisibilités de systèmes de défense sont peu impactées. C'est sûr, à chaque cloisonnement, ils sont impactés environ sur 3,50 m à 4 m de large. Voilà. Donc cet outil-là permet aujourd'hui d'être l'outil de référence pour la gestion de tout type de vestiges. Que ce soit la Grande Guerre, la première fois que ça a été utilisé en France, ça a été en forêt de haies sur le parcellaire agricole gallo-romain en 2007. Donc vous voyez, ça couvre toutes les anomalies de sol. Après, à partir de ça, à nous d'être aussi inventifs et de faire appel aux nouvelles techniques ou remettre au goût du jour des techniques anciennes. Donc, avec soit en utilisant des outils particuliers, là, des chenillards donc, qui ont peu d'impact sol pour faire du débardage, soit du câble mât. Voilà. Donc là, vous avez un mât, un filin, et les arbres sont débardés en aérien. Donc il n'y a plus d'incidence sur le sol, soit en prenant la bonne vieille technique du débardage à cheval. Bon, après, là, il faut aussi que le jeu envahisse la chandelle en termes de rentabilité et de surcoût. Alors, en termes de vestiges, là aussi, je vais vous parler d'un vestige dont on va être les dernières générations à connaître et à voir. c'est le vestige végétal. Voilà. Eh oui, mademoiselle, vous semblez étonnée. Donc on parlait en tranchées, terre, maçonnerie, tout ce qu'on veut. Là, le vestige végétal, l'arbre. Alors, l'arbre relictuel, un arbre, donc une quille, ce que j'appelle une quille, donc un arbre mitraillé. Témoin d'un paysage ancien, on est sur la forêt de Desports, où je vous ai dit énormément de champs, sauf sur ce secteur-là qui s'appelle le Bois Carré, et c'est dans ce secteur que se situe cet arbre. Donc aujourd'hui, ce Bois Carré, il est ici, en plein dans les lignes françaises, et on le voit là. Voilà, il est délimité là. Et sur cette forêt, j'ai dit tout à l'heure qu'on l'en a créée, constituée essentiellement de résineux, on trouve un arbre mitraillé, une quille mitraillée, un arbre ancien. Donc ce qui nous fait dire que sur cette zone-là, on était sur le secteur du Bois Carré et l'arbre est un élément traceur de l'évolution du paysage. Il est aussi un élément traceur des faits de guerre. Là, on a du grillage défensif que l'on voit ici sortir, qui est imprimé sur l'écorce. Donc l'arbre s'est développé à côté d'un grillage au devant d'une tranchée, l'a absorbé, et cet arbre n'est pas forcément un arbre datant de la Grande Guerre, mais il a emprisonné en lui ce patrimoine. Ici, nous avons un arbre qui sert de poteau électrique. Bon, le problème de tout ça, c'est que c'est du végétal. Et par définition, c'est du vivant. Et vous savez que tous les anciens de la Grande Guerre, aujourd'hui, sont morts. Ben, on va assister à la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, on est dans les dernières générations à voir ces patrimoines-là. Arbre observatoire de la forêt d'Ormont, il y a à peu près, cette photo elle date d'une dizaine d'années, le voilà aujourd'hui. Donc là, il est affaissé, il est retenu par un de ses congénères, voilà, sur lequel il s'est affaissé, mais cet arbre, il est considéré comme mort et ce patrimoine va disparaître. Alors, je vous donne pour exemple un exemple de sauvetage qui a été mené il y a quelques années, en fait en 2005, sur la forêt domaniale du Bois-le-Prêtre. Forte zone de combat à l'ouest de Pont-à-Mousson, hein, vallée de la Moselle, à peu près 15 000 morts en 8 mois de combat, toute une zone complètement dévastée, à tel point que les forestiers après-guerre vont sanctifier 3 hectares de terrain, voilà, sur lequel il n'y aura jamais d'activité, il n'y a jamais eu d'activité depuis. Voilà le Bois-le-Prêtre au lendemain des combats. Il y avait, sur ces 3 hectares, cette quille, derrière le monument de la Croix des Carmes. On voit, donc, dans cette photo de 1923, encore 2 quilles présentes. Et c'est très probablement celle-ci que vous voyez sur cette photo. Elle gîte assez fortement. On sait qu'on va la perdre. L'arbre est mort. Il y a encore un peu de vie à l'intérieur, mais l'incidence des insectes, des humains également, qui viennent chercher des morceaux, et va faire disparaître ce vestige. Il a été décidé donc en 2005 de l'abattre, de le sortir de la forêt, et donc de le placer dans l'église commémorative des combats du Bois-le-Prêtre, l'église du village reconstruit de Féanhé, qui se trouve à environ 2 km de là. Alors, le transfert ne se fait pas comme simplement, comme ça, on ne prend pas l'acquis et on ne l'amène pas à l'Église. Pour conserver cette quille en bon état, déjà, il a fallu qu'elle ressuie pendant 1 an et demi. Voilà. Dans un hangar ventilé, de manière à faire baisser son taux d'hydrométrie. Et ensuite, alors mademoiselle, on discutera, œuvre d'art ou pas, elle est partie en Franche-Comté au laboratoire de restauration des œuvres d'art, voilà, qui l'ont nettoyée en profondeur, ont fait ressortir un certain nombre de détails qui, pour nous, avaient totalement disparu du fait de l'incidence aussi des insectes et de la fermeture de certains trous. Donc, dans la quille, aujourd'hui, on peut revoir encore des éclats d'obus, des morceaux de des balles de shrapnel, des balles de fusil. Voilà. Et ça nous permet de redécouvrir et de conserver ce patrimoine. Bon, là, ça fait plus d'une tonne et ça mesure 5,50 m de haut. Donc, c'est en un seul bloc. Vous comprendrez bien que si on a pu le faire pour cet élément, là, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire avec des arbres jumelés. On n'est absolument pas dans les mêmes proportions. Alors, je viens de parler du végétal en termes d'arbres. Je vais changer d'échelle et je vais vous parler du végétal comme plante. Je viens d'évoquer le village de Féan-Haye. Ce village, il a été totalement détruit. Le village, voilà comment il se présente en 1914. Sous cette forme-là, une église, un village rue, hein, des maisons de part et d'autre, des jardins derrière les maisons, puis des prés et un peu plus loin les champs. Le village, aujourd'hui, il fait partie d'une forêt domaniale parce que pendant 4 ans, il a été sous le feu des obus français puis des obus allemands. Complètement ruiné au lendemain de la guerre, jamais reconstruit. Et quand vous vous promenez dans ce village, voilà ce que vous découvriez. Donc, de la jonquille cultivar au niveau des jardins, du personnage au niveau du cimetière, du lilas un peu à l'extérieur, et de la doronique orientale. Ça, c'est probablement une plante qui a été amenée par les troupes qui venaient du secteur alpin, qui ont apporté cette plante-là, puisqu'elle n'est généralement pas rencontrée sous notre latitude. Donc là encore, un autre type de patrimoine assez sensible. Et alors là, qui dure un peu plus dans le temps, si on sait le voir et y faire attention en le préservant. Il y a également toutes les plantes issues, alors ce qu'on appelle les plantes obsidionales, issues des troupes combattantes. Donc, et quand je dis des troupes combattantes, ça peut être des plantes ramenées, notamment l'herbe aux yeux bleus, qui va être ramenée des prairies américaines. Les Américains, quand ils arrivent et qu'ils occupent ce secteur ici, ne font pas confiance dans le fourrage français pour nourrir leurs chevaux. Le fourrage français, il est trop riche. Donc ils amènent, ils importent leur fourrage. Et dans ce fourrage, il y a cette herbe que l'on va retrouver sur les accotements de nos routes forestières. Bon, tout ce patrimoine, il nous importe de le transmettre à nos générations futures. Mais aussi, alors, il est sorti de l'oubli ces 4 dernières années avec le centenaire, puisque ça devient de plus en plus un outil de développement local. Et un certain nombre de collectivités donc, travaillent pour la valorisation de ce patrimoine, pour faire développer de manière touristique leur territoire. Ici, on voit Ernst Junger, que quelques-uns d'entre vous connaissent certainement, donc grand auteur allemand et qui a écrit « Orage d'acier ». Cette photo, elle a été prise sur l'arrière-front du Bois-le-Prêtre, dans un camp d'entraînement, le camp de la Souche, au niveau de Vilsay-sur-Traye, et la fontaine derrière existe toujours. Voilà. Donc, je vous invite à aller découvrir ce site. Donc, les patrimoines, 100 ans après le conflit, je pense que je viens de vous démontrer qu'on a su en conserver. En voilà encore quelques exemples divers et variés. Des tranchées en terre, des tranchées maçonnées, un autel religieux, une stèle d'un soldat allemand tué sur le front, ou tout simplement encore quelques éléments métalliques de défense. Je vous remercie de votre attention.